Bonjour. Donc, comme Jean-Claude l'a mentionné dans Exode 28 ce matin, donc on reprend après une petite interruption de une seule semaine. Alors, chapitre 28, je vous conseille déjà de tourner, ça va être long. Ce matin, on va voir les vêtements sacerdotaux, donc les vêtements dont sont revêtus les sacrificateurs qui officient dans le tabernacle. Donc, en l'occurrence, il s'agit d'Aaron et de ses fils. Mais on va le voir en détail, rassurez-vous. Rapidement, pour le contexte, on se rappelle, Moïse est sur la montagne, il est tout seul avec Dieu, face à face avec lui. Il reçoit diverses instructions. Il reçoit des instructions à propos de la construction du tabernacle, il reçoit des instructions sur les holocaustes, sur l'autel, sur l'emplacement, l'utilisation de divers ustensiles, tout ça pour le culte. Et ce matin, bien, on va voir plus précisément les instructions que Moïse reçoit au sujet des vêtements sacerdotaux, donc les vêtements qui servent au service du culte. Un mot à retenir, un buzzword ce matin là, qui est important de retenir, c'est le mot « sacerdoce », il va revenir souvent. « Sacerdoce » veut dire « le service de Dieu ». On pourrait aller très loin dans le concept, là, mais dites-vous grosso modo que ça veut dire « service de Dieu ». Un détail important aussi, puis toute mon étude ce matin va tourner autour de ça. On a vu au cours des chapitres précédents, mais en fait, on pourrait même tweaker la Bible en disant que tout tourne autour de Jésus-Christ. Bon, il y a des passages où c'est plus flagrant, où là, Jésus est visible quasiment de façon transparente. C'est moins évident dans des passages comme, je ne sais pas moi, la mort de Saül sur le mont Garizim, par exemple. Un petit peu moins évident de voir Jésus-Christ là-dedans. Mais il reste quand même que du début à la fin de la parole de Dieu, tout est centré autour de la personne de Christ. On l'a vu dans les chapitres précédents, l'organisation du tabernacle. Ça parle de Christ constamment. Ça parle de l'œuvre de Christ à venir. La disposition du mobilier, les ustensiles, les moindres détails parlent de Christ et de ce qu'il allait faire. Et les vêtements n'échapperont pas à ça. Là, les filles vont dire « Cool, il va parler de linge. » Yes, ben, c'est ça. Donc, le chapitre 28, il n'est pas différent des autres. À travers une description très détaillée des vêtements et de la façon dont les matériaux employés dans les vêtements, bien, tout ça, ça permet d'établir un lien direct avec Christ en tant que souverain sacrificateur, parce que c'est la figure ce matin qu'on va explorer. C'est la figure, le rôle, la fonction du souverain sacrificateur chez Christ. Parce que Christ, dans sa personne, combine différents rôles. Il les combine parfaitement. Il est tantôt prophète, tantôt souverain sacrificateur, tantôt justicier, tantôt seigneur, tantôt maître, tantôt sauveur. Aujourd'hui, c'est le souverain sacrificateur qu'on va explorer cette fonction-là. Particulièrement, le souverain sacrificateur que Dieu a établi en tant que médiateur entre ses rachetés, les élus, nous, ceux qui ont cru en lui, et Dieu qui est juste. Bon, au premier chef, il faut quand même se rappeler que toutes ces ordonnances au sujet des sacrifices, au sujet des vêtements, au sujet du tabernacle, ça concerne, ça se rapporte avant toute chose à la pratique des sacrifices. C'est là leur finalité. Les sacrifices, les vêtements sacerdotaux, ça trouve leur finalité avant tout dans l'Ancien Testament, dans la loi mosaïque. C'est l'ancienne religion du peuple d'Israël avant l'avènement du Nouveau Testament. Mais on sait que le plan de Dieu est complexe, le plan de Dieu est surtout savamment monté. Il est plus fort que nous, il est plus grand que nous. Et le plan de Dieu, évidemment, c'était d'amener l'humanité à la connaissance de Jésus-Christ, à la connaissance de son œuvre parfaite, œuvre que Christ allait accomplir à un moment précis dans l'histoire. Et au moment où ces faits-là se déroulent, dans Exode 28, bien sûr, Christ n'est pas encore venu sur terre. Il faut savoir aussi que toutes ces prescriptions-là de la loi mosaïque, ce sont C'est une ombre des choses à venir. C'est un présage, une image de ce qui va arriver un jour. Ce n'est pas l'image même des choses, c'est une image des choses à venir. Et l'organisation du tabernacle, les vêtements sacerdotaux, c'est une ombre des choses à venir. Puis ces choses-là, on les connaît. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui allait un jour éclairer le monde. L'évangile qui allait libérer l'humanité du jugement, qui allait libérer l'humanité du poids de la loi. Puis toutes ces instructions, toutes ces prescriptions-là qui viennent de Dieu, là, qui peuvent paraître lourdes au premier abord, là, ben, quand on connaît la finalité, on sait que ça annonce déjà Jésus-Christ. On s'annonce déjà le moment précis où Christ viendrait les abolir. C'est quand même paradoxal parce qu'au moment même où c'est publié, on annonce déjà leur fin à travers l'œuvre de Christ. Et ça va prendre fin au moment même où Jésus va s'écrier sur la croix, « Tout est accompli. » Et le même voile qui a été instauré dans le tabernacle, au moment même où Jésus va prononcer ces paroles-là, ce voile-là va se déchirer depuis le haut jusqu'en bas. Et par le fait même, les sacrifices et les ordonnances qui étaient ordonnées par la loi ne sont plus agréés à ce moment-là, à cause du sacrifice suprême de Christ. Bon, bien sûr, vous allez me faire la remarque, c'est un passage extrêmement détaillé. Il y a 1 million de symboles. On est dans le monde de la symbolique ici. Je ne dispose ni du temps et je ne dispose pas non plus d'un sens de l'observation assez aigu pour tout remarquer. Alors oui, vous allez venir me voir à la fin, vous allez dire « Samuel, tu aurais pu parler de ça ». Oui, je pourrais, mais je n'ai pas le temps et je ne le ferai pas. Et la beauté des Écritures, rappelez-vous, c'est que à chaque lecture qu'on fait, pour autant qu'on est désireux d'apprendre quelque chose sur Dieu, bien, vous allez apprendre quelque chose à chaque lecture. C'est une promesse que je vous fais. Et Dieu s'y révèle toujours un peu plus. Donc, si vous manquez des détails aujourd'hui, ce n'est pas important, vous allez les rattraper tôt ou tard. Donc, lors de votre prochaine lecture d'Exode 28, vous allez peut-être remarquer des choses que vous n'avez pas remarquées aujourd'hui et que je n'aurai pas couvertes, c'est certain. Donc, en parlant de lecture, je vous propose tout de suite de commencer à lire le texte. Il y a 43 versets, donc je vais le lire. Donc, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël, pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Je souligne en rouge le mot. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront l'éphod d'or de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités. Et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or de fil bleu, pourpre et cramoisi de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules.

Un autre point aussi, la description est quand même assez longue à propos d'Aaron et de ses vêtements de souverain sacrificateur par rapport à ses fils, là, qui sont simples sacrificateurs. Dans le cas d'Aaron, c'est les 38 premiers versets là, qui sont consacrés à lui. Les 5 derniers concernent seulement ses fils. Une petite disproportion aussi, c'est pour souligner à quel point le rôle d'Aaron ici en tant que grand prêtre ou souverain sacrificateur, c'est la même chose, c'est important. Et c'est important aussi pour figurer le rôle que Christ va jouer plus tard, lui-même souverain sacrificateur. Êtes-vous prêts pour les petites images? Donc, Aaron, il y a une grande diversité de représentations à son sujet. Ben oui, on n'a pas sa photo. Donc, il a fallu se le représenter. Moi, l'image qui est en dessous, le gros barbu noir, là. Ça, c'est très intéressant comme représentation d'Aaron. Celle de droite est un petit peu plus dramatique, mais probablement plus réelle au niveau de la représentation des vêtements. Bref, il y a une grande diversité des représentations, puis c'est parfois très amusant. Mais ce n'est pas celle-ci que je vais utiliser ce matin. Je vais en utiliser une qui est plutôt rigolote, mais qui fait le travail, je vous le promets. Celle-ci. OK. Aaron, il a l'air un peu benêt, mais au moins, ça représente bien les choses. On va y revenir, là. Donc, pour ceux qui se demandaient c'était quoi un pectoral, c'est la plaque qu'il porte sur la poitrine, le mot le dit, sur laquelle se trouvent les pierres précieuses. Il a deux épaulettes sur lesquelles il y a deux pierres d'onyx. Je souligne ces deux détails-là parce que, à la fois sur les pierres précieuses et à la fois sur les deux onyx, il y a les noms des tribus d'Israël qui sont gravés. Et ça, c'est pas anodin, c'est une symbolique très importante. On va parler tout d'abord de la fonction de souverain sacrificateur. Bon, Moïse, vous savez, Moïse, c'est le messager de Dieu, c'est le prophète. Il a été nommé par Dieu, mais c'est le cas aussi d'Aaron. Remarquez, là, c'est Dieu lui-même qui nomme, qui élève Aaron à la fonction de souverain sacrificateur. Auparavant, Aaron, qu'est-ce qu'il faisait? Il servait de porte-parole à Moïse. Et là, Dieu change ses fonctions, il l'élève à la dignité de souverain sacrificateur pour lui faire jouer un rôle très important. Et c'est non seulement Dieu qui nomme Aaron, mais c'est Dieu aussi qui nomme ses fils en tant que sacrificateur. Donc, la prêtrise en Israël va commencer avec Aaron, le grand prêtre, et ses quatre fils. Il y a Nadab, il y a Abihu, il y a Éléazar et il y a Ithamar, le dernier. Cette prêtrise-là, on la connaît sous le nom de sacerdoce lévitique. Pourquoi? Parce que Aaron appartient à la tribu de Lévi. Et Dieu avait choisi ses prêtres, donc, dans la tribu de Lévi. Donc, tous les prêtres sont lévites. Mais attention, ce n'est pas tous les lévites qui sont prêtres, par contre. Chose intéressante, dans la Bible hébraïque, donc la Bible qui était rédigée en hébreu, donc le texte lui-même, Aaron est rarement appelé grand prêtre ou souverain sacrificateur selon notre traduction. En général, il est simplement désigné comme Akohen, donc ce qui veut dire le prêtre. On le désigne ainsi. Aaron, c'est le prêtre. Probablement le prêtre par défaut, le prêtre par excellence. Pourquoi? Parce que, comme on le voit dans Exode 28, c'est Aaron qui a été le premier titulaire de la fonction. Et là, il va y avoir une succession de grands prêtres au courant de l'histoire. La succession, obligatoirement, devait échoir à un de ses fils. Un de ses fils devait devenir grand prêtre à son tour, afin que la fonction reste dans la même famille. Ça, c'est précisé, entre autres, dans Lévitique 6,15. Et s'il n'y avait pas de successeur direct, la place devait revenir aux frères plus âgés. Cette pratique-là, là, de transférer la fonction aux frères plus âgés, avec le temps, ça va devenir assez courant, surtout sous les Asmonéens, là, la dynastie judéenne qui va régner au 1er et 2e siècle avant Jésus-Christ. Par contre, on sait qu'à l'époque d'Élie, là, à l'époque où Samuel était juge, on sait que la fonction était passée à la branche cadette d'Ithamar, le dernier fils d'Aaron. Et plus tard, souvenez-vous, le roi Salomon va déposer, donc il va retirer la fonction de grand prêtre. Il va retirer Abiathar pour nommer à sa place Tsadok, qui est un descendant d'Éléazar, troisième fils d'Aaron. Et Salomon ici se conforma à la volonté de Dieu. Plus tard, après l'exil, donc après la déportation à Babylone, il semble que la succession se soit faite assez régulièrement et directement en ligne directe de père en fils. Mais par la suite, les autorités civiles vont commencer à usurper le droit de nomination. On voit par exemple qu'Antiochus IV Épiphane va déposer en Ias III pour nommer à sa place Jason, puis Ménélas. Et à l'époque de Jésus, c'est complètement parti en couille, parce que là, la fonction de grand prêtre est flottante. Elle est volante. Elle passe d'un grand prêtre à l'autre de façon assez régulière. Et on sait aussi qu'à l'époque du Second Temple, donc à partir de l'exil à Babylone jusqu'à la destruction du Second Temple, le grand prêtre exerce souvent la charge de président du Sanhédrin. Puis le rôle va s'éteindre assez abruptement à partir de la destruction du Temple par les Romains. La fonction va s'éteindre et elle ne réapparaîtra plus jamais. Donc la fonction va disparaître quasiment en même temps que la suppression du sacrifice perpétuel. Et ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Au moment même où Jésus, en fait très peu de temps après que Jésus soit mort sur la croix, cette fonction-là disparaît de façon assez violente. Donc, c'est par une instruction spéciale que Aaron et ses fils ont été consacrés au service au sacerdoce de l'Éternel. Et les vêtements qu'ils portent, bon, ce n'est qu'une représentation ici, probablement insuffisante, mais ce n'est pas grave, ça nous donne au moins les couleurs. Les vêtements qu'ils portent sont volontairement voulus comme étant somptueux, riches, opulents, fastueux. Pourquoi? Parce qu'on cherche tout d'abord à distinguer Aaron et ses fils du reste du peuple, mais on cherche aussi à exalter la grandeur du service de l'Éternel. On cherche à le montrer sous un jour glorieux. On cherche à montrer la magnificence du service de l'Éternel. On cherche à montrer que le sacerdoce, le service de l'Éternel, c'est une fonction qui présente un caractère particulièrement respectable, particulièrement sacré, digne d'admiration. Pourquoi? En raison du dévouement à l'égard de l'Éternel. L'éphod, on en a parlé, c'est la longue robe que porte ici le sacrificateur. C'est le vêtement sacerdotal par excellence. Dites-vous qu'il porte l'éphod par-dessus plusieurs autres couches de vêtements. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que l'éphod est fait des mêmes matières que le voile du tabernacle qu'on a vu. Je ne reviendrai pas dans la symbolique de ces couleurs-là, mais dites-vous que c'est exactement les mêmes matières. Et à ces matières-là, on rajoute aussi de l'or pour rendre encore ça plus précieux. Oui, c'est la partie qui se trouve par-dessus, là. Okay. La partie qui est pourpre, là, qui est chamarrée, là, qui porte plusieurs couleurs. Rapidement, on peut dire que toutes ces couleurs-là symbolisent, se ramènent à la pureté. Ça symbolise la pureté, mais aussi la grâce de Dieu. Le sacrificateur porte une ceinture. Ça fait allusion au service, parce que la sacrificature, hein, le fait de rendre, de servir Dieu, c'est un service, évidemment, c'est un sacerdoce. Et le sacrificateur était saint pour l'accomplir. Saint, là, dans le sens attaché, là, mettre sa ceinture. Et habillé ainsi, habillé avec ses vêtements de gloire et de beauté, le souverain sacrificateur portait sur lui les noms des 12 tribus du peuple de Dieu. Et ainsi, de cette façon-là, le nom des 12 tribus était présenté à Dieu dans la tente d'assignation. Ils étaient présentés, le nom des 12 tribus, dans leur nombre, évidemment, et dans leur ordre complet. Je l'ai dit tout à l'heure, les noms sont gravés à la fois sur les deux pierres d'onyx, des espèces de pierres noires qui se trouvent sur les épaulettes, ainsi que sur chacune des pierres du pectoral. Petit exemple ici, là. Donc, chacune des pierres porte le nom d'une tribu. Par exemple, Ruben, c'est le... Bon, par exemple, Siméon, c'est la topaze, ou je n'irai pas jusqu'au bout, là, Benjamin, c'est le jaspe, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'il portait ainsi le nom des tribus sur lui? Tout d'abord, sur les épaules, ça signifie que le grand prêtre porte sur lui le poids du gouvernement des 12 tribus. Et le fait qu'elle se retrouve sur le pectoral, près de son cœur également, c'est pour montrer qu'il les portait sur son cœur devant l'Éternel. Et le pectoral, évidemment, est inséparable de l'éphod, là, vous vous souvenez, la robe de par-dessus. Le pectoral est inséparable de la sacrificature en tant que telle. Et de la ça signifie la comparution devant Dieu. Donc, le souverain sacrificateur, en plus de porter le poids du gouvernement, il portait aussi le jugement du peuple d'Israël devant Dieu. Et les pierres précieuses du pectoral ne sont pas là par hasard. Dieu aurait pu prendre de simples cailloux. Non, il a choisi des pierres précieuses. Ça illustre aussi le fait qu'Israël a une grande valeur aux yeux de Dieu. Et ça, il en va de même aussi pour Christ. Christ est attaché à ses enfants. Nous sommes précieux pour lui. Donc, Aaron, lorsqu'il officie en tant que souverain sacrificateur, là, on peut le voir lui aussi, comme Moïse, c'est un type de Christ, comme Joseph, c'est un type de Christ, comme Abraham est un type de Christ. Aaron aussi, dans ses fonctions de sacrificateur, de souverain sacrificateur, c'est également un type de Christ. Il est chargé des iniquités du peuple lorsqu'il se présente devant l'Éternel, le peuple dont il porte le nom des 12 tribus sur sa poitrine et sur ses épaules. Il est chargé du jugement du peuple lorsqu'il projette le sang sur le propitiatoire. Vous savez, le propitiatoire, c'est le couvercle de l'Arche de l'Alliance sur lequel on projette le sang lors du jour de l'expiation. Une fois par année, il pénètre dans le lieu saint, il projette du sang sur ce couvercle-là. Et lorsqu'il fait ça, Aaron est chargé des péchés du peuple. Les siens propres à lui, Aaron aussi est impur, mais aussi ceux du peuple. C'est chargé sur lui. Le rapprochement ici avec Christ est assez évident. Donc, les tribus d'Israël qui sont le peuple choisi, on n'est pas choisi, nous autres, on n'est pas élus également. Donc, le peuple choisi, il se retrouvait sur le cœur d'Aaron devant l'Éternel. C'est la même chose pour nous. Nous aussi, le peuple de Dieu qui sommes les élus, nous aussi, nous sommes toujours portés par Christ devant Dieu parce que nous sommes précieux pour lui. Et Dieu, Christ intercède pour nous constamment devant Dieu. Mais il intercède cette fois-ci de façon parfaite parce qu'il l'a fait juste une fois et il l'a fait pour une fois pour toutes. Parce que son sacrifice est parfait et il est perpétuel. Et il est efficace. Donc la faveur divine à cause de Christ est constamment sur nous. Comme la faveur divine était favorable à Israël lorsque Dieu agréait le sacrifice de l'expiation qui était fait une fois par année. C'est la même chose. Christ nous rend favorables aux yeux de Dieu parce qu'il intercède pour nous. Et la lumière de la faveur de Dieu qui luit sur Christ, par le fait même, luit sur nous. Elle nous inclut, nous aussi, parce qu'on a cru en Jésus-Christ. Donc, le sacerdoce d'Aaron, c'est une médiation. Une médiation, c'est un intermédiaire, quelqu'un qui sert d'intermédiaire entre deux personnes. Donc, c'est une médiation entre qui? Entre Dieu et le peuple d'Israël, par le biais des sacrifices. Et seul le souverain sacrificateur, convenablement vêtu, hein, qui suivait toutes ces instructions-là, selon les prescriptions qui ont été transmises par Moïse, seul le souverain sacrificateur pouvait s'avancer en présence de Dieu, selon un cérémonial précis, et présenter le jugement du peuple devant Dieu. Et le souverain sacrificateur posait des questions à Dieu et recevait des réponses par les Ourim et les Thummim. Ha! Question, qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas vraiment. L'identité de l'Ourim, ça signifie lumière en hébreu, et du Thummim, ça signifie perfection. Ça reste mystérieux parce que la Bible ne donne pas vraiment de précision sur à quoi ça pouvait ressembler. Est-ce qu'il s'agissait de pierres, de dés, d'osselets? On ne sait pas. On sait qu'ils étaient placés, semble-t-il, derrière le pectoral, près du cœur du grand prêtre. Et on sait aussi que le grand prêtre utilisait ces objets pour connaître la volonté de Dieu sur une question en particulier. Maintenant, comment il procédait, ça, on ne connaît pas le détail. Ça reste mystérieux pour nous. Mais c'est une façon d'interpréter, grâce à ces objets-là, la volonté de Dieu sur une question en particulier. C'est à ça que ça servait. Un autre point aussi, lorsque le souverain sacrificateur se présentait devant l'Éternel, en présence de l'Éternel, le souverain sacrificateur lui-même était, Aaron lui-même était imparfait. Et pour se présenter devant Dieu, tout ce cérémonial-là était nécessaire parce que ça le plaçait dans un état de sainteté qui le rendait recevable aux yeux de Dieu. Autrement, il serait mort. C'est pour ça que le texte insiste à plusieurs reprises, à deux reprises, sur le fait qu'il y a un risque qu'il meure s'il ne suit pas les instructions de Dieu de façon particulière. Et cet état de sainteté devant Dieu, il était nécessaire pour soumettre des offrandes qui soient agréables à l'Éternel. C'est pas pour rien qu'Aaron porte sur son front la languette où il est inscrit « Sainteté à l'Éternel ». Dieu est saint. On ne le traite pas n'importe comment. On n'est surtout pas négligent dans son service. Un point aussi qui est intéressant de remarquer, c'est que Moïse parle à Dieu sur la montagne du Sinaï. Il ne semble pas avoir besoin de tout cet artirail-là pour parler à Dieu, hein, n'est-ce pas? C'est dû au fait que Moïse occupe une fonction bien particulière de prophète de l'Éternel. Au contraire d'Aaron, les deux ont des fonctions différentes. Donc, on sait que Moïse, il n'y a pas de clochette, il n'y a pas d'éphode, il n'y a pas de tiare, il n'y a pas de pectoral, il n'y a pas tout ça, puis il n'est pas obligé de rentrer dans une tente pour parler à l'Éternel. Mais Dieu parle à son prophète de la manière qui lui convient. Et Moïse, je le rappelle, est un prophète de Dieu, tandis que Aaron est son souverain sacrificateur. Et Moïse aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un autre type de Christ. Et les deux fonctions, ces deux ministères-là, prophète ou souverain sacrificateur, ça se retrouve dans la personne de Christ, parce que lui-même est le serviteur de Dieu, son Père, et son service, il l'effectue dans la perfection. Donc, Aaron, là, ce n'est qu'une évocation de ce que Christ allait plus tard accomplir parfaitement. Et l'application de tout ce qu'on vient de lire, de tout ce qu'on vient de voir à Christ est évidente. Bon, en attendant que Christ vienne sur terre, Aaron et ses descendants devaient faire un lourd cérémonial, devaient suivre un lourd cérémonial, des rituels précis, lié au sacrifice, afin de s'approcher de Dieu. Il devait présenter des offrandes, devait présenter des sacrifices pour les péchés du peuple, peuple dont ils faisaient partie eux-mêmes. Et c'est à cause de cette appartenance-là, un peuple impur, qui était astreint à offrir des sacrifices comme ceux-là. Des sacrifices non seulement pour ses propres péchés en tant qu'individu, mais pour ceux du peuple. Donc, cette médiation-là des souverains sacrificateurs sous l'Ancien Testament, on peut dire qu'elle est imparfaite, parce qu'elle doit être renouvelée, ponctuellement. Il reste quand même que Aaron préfigure le souverain sacrificateur qu'allait être Christ. Christ n'est pas un souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, c'est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizédek. La lignée d'Aaron a compté plusieurs dizaines de descendants, hein, plusieurs dizaines de grands prêtres tout au long de l'histoire, mais pour sa part, l'ordre de Melchizédek ne comporte qu'un seul membre. Il est unique, il y a un seul souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que son sacrifice à lui, sa médiation à lui, elle est efficace et ça a rendu cette fonction-là permanente, perpétuelle. Elle ne s'éteindra jamais, cette fonction-là. Il est souverain sacrificateur à perpétuité, comme nous précise Hébreux 7:3. Et plus loin, dans Hébreux 9, 11 à 15, je vous l'ai mis ici, le texte va nous dire pourquoi Jésus est un meilleur médiateur que ne le fut Aaron et ses descendants. Son sacrifice est unique, il est parfait, et son alliance, elle est définitive. Et je vais le lire, c'est intéressant de lire ça parce que ça nous éclaire. Hébreux nous éclaire énormément sur la sacrificature de l'Ancien Testament. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache, parfait, à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc Christ, le prince de salut, il comparait, il se tient à la droite de Dieu, il comparait devant lui, dans le ciel même, hein? dans le lieu très saint. Et ce qui satisfait la justice divine, là, il est intégralement accompli dans sa personne. Pourquoi? Parce que Christ est lui-même intégralement et absolument pur. Ça nous est dit dans 1 Jean 2:1, grâce à Christ, on a un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Et c'est ça, c'est un privilège immense de ceux qui sont enfants de Dieu. C'est le privilège immense de ceux que Christ appelle ses enfants, qui ont cru en lui, ceux qui sont nés de nouveau par lui. Parce que Christ nous présente à Dieu. Et ça, il le fait constamment. Christ nous connaît, et parce que Christ nous connaît, Dieu nous connaît. Et par Christ, on obtient grâce et direction par le Saint-Esprit aussi. Donc, Christ nous a sanctifiés par son salut, il nous a rendus saints, il nous a rendus respectables, recevables devant Dieu. Et Christ n'a pas honte de nous appeler frères ou de nous appeler ses enfants. Et plus important encore, il a le pouvoir d'expier une fois pour toutes les péchés de son peuple, c'est-à-dire nous, ses enfants qui avons cru en lui, qui avons cru en sa mort, qui avons cru en sa résurrection. Donc Christ, c'est le souverain sacrificateur du peuple de Dieu aujourd'hui. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes quoi? Nous sommes nous-mêmes des sacrificateurs. Si Christ est le souverain sacrificateur, nous, le peuple de Dieu, nous sommes ses sacrificateurs. Nous sommes les sacrificateurs du royaume de Dieu. Parce qu'on a tous accès à Dieu sans aucun intermédiaire maintenant, autre que Jésus-Christ, évidemment. Et Jésus-Christ, c'est notre souverain sacrificateur. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2:5. Donc nous, sacrificateurs, enfants de Dieu, on a la vocation de participer au service de Dieu, tous sur un pied d'égalité. On a ce ministère-là de participer au service de Christ et de proclamer sa parole, comme le dit 1 Pierre 2:9, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Donc nous, en proclamant Christ, en proclamant sa parole, nous, ses sacrificateurs qui sommes à son service, on proclame aussi son sacrifice qui a été effectué de façon efficace une fois pour toutes, pour les péchés du monde. On proclame ce sacrifice-là qui est perpétuel. On proclame le sang de Christ. Et ça, ce sang-là, ça nous permet d'accéder en tout temps au sanctuaire sacré en présence de Dieu. Donc, effectivement, on peut se considérer bénis, nous, les croyants en Jésus-Christ, parce qu'on bénéficie des bienfaits qui sont préfigurés dans les vêtements qu'on a vus au chapitre 28 d'Exode. On n'est pas soumis à tout ça, nous. On est libérés de tout ça. On bénéficie des bienfaits de connaître Christ. Puis en fait, ces vêtements-là seraient dépourvus de sens, là, où il y aurait une existence précise dans l'histoire, puis aujourd'hui, ça n'aurait plus aucun rapport pour nous, si ça ne menait pas à Christ, évidemment. Ces vêtements-là n'auraient pas de sens s'ils n'annonçaient pas la rédemption, s'ils n'annonçaient pas la déchirure du voile suite au sacrifice de Jésus, qui nous permettent aujourd'hui, là, tout ça, ça nous permet de nous tenir dans le lieu très saint, en présence de Dieu. Les Israélites avaient tout intérêt à prendre au sérieux ce que Dieu leur demandait de faire, notamment pour son service, notamment pour les sacrifices, notamment pour la façon de se présenter devant lui. On va le voir un peu plus tard, mais ceux qui ont agi à la légère vont être sévèrement punis, notamment les sacrificateurs. Prenaient ça au sérieux parce qu'il s'agissait d'un ordre donné par Dieu à son peuple élu afin de rester constamment en alliance avec lui. Et de cette façon-là, l'Éternel, le Dieu d'Israël, exhortait son peuple à la sainteté, notamment dans la pratique des sacrifices. Puis ensuite, Jésus-Christ est venu. Et comme le souverain sacrificateur Aaron du temps jadis, bien, Jésus a pris les péchés du monde sur ses épaules. Il a accepté de mourir sur la croix pour ses élus, pour qu'on vive éternellement. Et la nouvelle alliance qu'il a fondée est venue remplacer l'ancienne. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas exhorté nous-mêmes à la sainteté puisque la nouvelle alliance est venue remplacer l'ancienne et que ça semble plus important? Non. Non, voici plutôt comment on devrait se comporter. La réponse se trouve dans 1 Pierre 14, 15. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est venu se substituer aux sacrifices, il est venu se substituer aux instructions qu'il fallait pour s'approcher de Dieu, qu'il fallait suivre. Christ y est ressuscité. Et désormais, pour accéder à Dieu, il suffit simplement de suivre Jean 14, 6. « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est ça la manière de suivre maintenant pour s'approcher de Christ. Et grâce à Christ, on peut s'approcher de Dieu en toute bonne conscience, avec la certitude qu'on est pur et irréprochable devant Dieu. C'est ça le grand gain avec Jésus-Christ. Et c'est ça l'exhortation qui est donnée aussi dans Hébreux 10. On a cette certitude-là, Hébreux 10, 23, 24. Donc, ayons du zèle pour le Seigneur Jésus et pour son Église. Soyons saints comme notre Père est saint aussi. Et pour ceux qui n'ont pas eu le bonheur de connaître Jésus-Christ, le premier pas, c'est vraiment de croire que ce qui a été annoncé dans la parole de Dieu au sujet de la mort et de la résurrection, c'est la vérité. Le premier pas, Jésus est venu sauver l'humanité. Il est venu sauver ceux qui se reconnaissent, qui sont pécheurs et qui ont besoin d'un rédempteur. Lui-même, Jésus-Christ. Vraiment, ne refusez pas ce si grand salut. Amen.